pas déjà, tout de suite. Oui. C'est bon. On a fait notre. Ah oui. Urma, dale, dale, dale. You wanna show yourself? You wanna show us? We won't be able to. We won't be able to see you, but you wanna show yourself? Vagabond. We'll be right back. marche encore pour la voix, t'as vu. Comment voudrais, comment voudrais. Cette grande folie. Dans cette grande folie, grande folie, grande folie, grande folie, grande folie, grande folie, grande folie. On va peut-être le voir. Urma, amigo mio, con tu pendia, pendejo. Urma, amigo mio, mostrate tu cara. Open is the password, obviously. No se verá nuestra cara, sino. Je sais pas comment tu fais pour gérer tout ça. Non mais pardon, moi non plus. En vrai. Et d'ailleurs, je vais arrêter. Non mais. Urma, dale, hombre. Ha ha ha.